l'imperatore della rumba congoliana. Si rigola. Et fuir toi-même est plus profitable que fuir le lion. Adore ta moute bachi la mouina. Yangoyo. Moya tometale nana pongi. Nami so polingo ela lisaki na libanda. Noso po kalo baki na ye. Mabelingi. Na pongo na kala sa innocent. Le padre frappe encore. Na komio mona pasi. Pona nini yoko talate. Moya moninga koyo asali. Claude Lukeba Kweno. Paya nana nana mayele. Kasi soki poli mweko trouble. Yangai. Excellence Bonaventure Ngobo. Afrique sa mon nene. Jamais koko kana na poli mo. Oyo pesa kanae. Yango na pesa ki omo. Te man na jere. General Davira. Soko bebi singa na bebi rumi sina bumi. Eza la vantaja na inayo. Adolphe Femo Teba. Claude Maluma. Mote banana efana yo na sala lisusu nini makanisi eselema na bongo Jean Dominique Okemba Zambe Anzenge masoto la kanaki ngaina yo Jean Sébastien Massiana Kinor Bilumbo Chila mwena bako na naka moto boyete na maloba bakizate pesa yata tango ase de fatre. Pauvres qui sont pas. Citation à Swaki. Jugement par défaut. Ma belle Chantal et Tumba. Yves Mosengo. Le Dori, Podomo. La Zofre de Podomo. On a voyé Bafouka Bassan et la Malika Moya et Enti. La incompétence et la Bassouci. La Balabala. La soulevé. Juridiction et compétence. Général Dengue. Afrique sa mon nene, jamais pour qu'on n'a pas l'imo, koyo pesa kanae. Yango na pesa ki yo mote ma na ma jere. Sokyo bebi si ma na bebi yo bongi si na mouni. Chef Gislain Lozolo. Et sa la vata jana ina yo. Messie Laurent Bourson ne mon kasa. Deba souri ya mouna nebra ki lo kora mouna bebe babo. Birlenge, Jean-David Kiambote, si si malamba. Oh ya ya el chilambuina. Colonel Daniel Oleko, force de frappe. Colonel Elvis. Oye bisanga soki bolingo esi. La vie est tranquille. Nasonga nana boka baboti ba mayo. Mwana moto sale loko te. Oh sina yo talia kasi mate. Mwamone bieto ele nimi leso swa epongi. General Delphine Kaimi. Kukito kwa mwase utoka sina mutima. Sandra mwasa kanga macho itwa kwa kare. Obosani ba bieto. Rigel Mata. Corneli Malungi. Shana Peko. Emerald Lompala. Boss Okiko Pandashana. Eric Gaël Liboto. Pamela Sexy. Bébé Gémo Tambabiwan, Gé Bernard Tola, Ida Sepembe. Je m'estime à fond. La baptisation, nous va porter contre Naï, sur basé à ma songe. Et Zali est fondé. Naï, ce qui tourne à Paris. Pas calomnié, pas désordre. S'il y a un coco kati. David Sala. Merci la personne à Nami Lelo. Pal Sileri. Na Bukavu, Ramazan. Olivier Mukoko. Yena nga lui onema. Foto Shiko. Perimika. Moto passé, Natalissima na sangi moto. Eric la tortille, fabrique que la foudre. Docteur Midi, Alain Chakupewa, Babi et Konzoi, Dani Makabunita Jules, licencié Jules Ziombele, ya maman Marceline. Inspecteur Sidi Kelokelo. Nasina Mistana Milelo, Nasina Mistana Bach. Colonel Donald Yoke. Awasimokana kolelisa.